Bonsoir à toutes et à tous. Yes, bonsoir à vous. Bienvenue sur, sur Couleurs Croisées. Ce soir, une petite émission de Noël. On va être posé, on va se faire plaisir. On est rempli de cadeaux musicaux, plein de douceur auditive. Exactement. Donc, on est le mardi 21 décembre. Ouais. Cette programmation, et ben. Le mardi 21, ouais, c'est ça. Ouais, 21 décembre, c'est ouais. L'hiver aujourd'hui, on l'a bien senti. Ouais, c'est bon. Salut Nadia, comment ça va? Régaré ses pics, arrive, tranquille. Yes, et je te dis, c'est tout pisse, c'est les cadeaux de Noël et tout, c'est le Père Noël. Tu nous apportes des cadeaux, Nadia? Ouais, ouais. Ah, c'est cool. Yes, cool le Père Noël. Merci. Ah, c'est du bon, bah, on va passer ça alors. On va se faire plaisir. Et ben, nous aussi, on vous a préparé des cadeaux ce soir. Ouais. On va commencer avec monsieur Fela Kuti. Voilà, on va commencer avec le soleil. Et ouais, non, t'inquiète, l'hiver n'existe pas, je te jure. Donc, monsieur Fela, sur ce morceau, est accompagné forcément de son batteur Tony Allen, yeah, de Ray Lema, de Bab Amal et de Positive Black Soul et encore quelques-uns qu'on ne citera pas. Voilà, parce qu'ils sont longs. On a toute la fiche de l'Afrique en fait, là, juste là. Et moi, je vous conseille d'écouter au milieu du morceau, une fois que la chorale est terminée, ça part bien en afro-raga et c'est du bon. Yes, et alors on va commencer avec du bon. Monsieur Fela. Fela Kuti. Bye. moko na mo dem be la chain walo gonna I I be like I want die never lie I want never lie DJ I want never die moko na mo dom khe to mo na mo yai man do mo na mo uti khe ni never job I'm a do I'm a do mo na mo stress my neck hopeless I might progress I want it to be yes yes my set talk to my bucket they find my team bad than me young one of my set talk to my bucket they talk to money league get that do my na mo dey on yeah ne you want again ne but the way back and ask and no yeah ne one of my set talk with for that my that and that me no Fela, le Nigeria. Yes, accompagné par une par de nombreux artistes. Voilà, vous l'avez ressenti. Très bon morceau quand même. Hein. Ouais, bonne vibes, bonne vibes. Carrément. Et on va rester dans l'afrobeat, mais avec un groupe qui nous vient de Lyon. Yes, c'est des Français en fait. Ouais, hein. Des Français, mais qui chantent pas en français, hein, qui chantent en peut-être bien en Wolof. Justement, on parlait du Wolof. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on entendait pendant le titre de Fela. Et en fait, ouais. Là, c'est Metel Show. Metel Show, ouais. Metel Show, ouais. Qui nous viennent de Lyon. Le morceau, c'est Touron. Et ça, c'est assez voilà. Bon, on va s'écouter ça. Ouais, carrément. Pas mauvais pour un groupe français. Pour un groupe français, ouais. Produit sur le même label que iTone, hein, qu'on s'écoutera un peu plus tard. Un peu plus tard, yes. Carrément. Alors, on va se faire une petite douceur, on va rester dans le soleil. Alors. Voilà, vous êtes sur Couleur Croisée, on est en direct, on est ensemble jusqu'à 23h. Et on commence tout tranquillement pour l'instant. Metel Show, Touron. non che ten forza di pegate su irmo. Chi non ha vinto ma cuidaru di meninos. Toma cuidaru di maelco sabia. Toma cuidaru di naya. Toma cuidaru di palo pulu. Toma cuidaru di elio. Cano American sera nunca irmo. Cano American sera nunca. Hey. Cara cusa, usi cum sara y chachen si fin. Oye, cara cusa, usi cum sara y chachen si fin. Y cara cusa, usi cum sara y chachen si fin. Son si de busca mis tide. Non vous inquiétez pas, elle est pareillée. C'est dans le style. Yes. Même moi, j'ai failli me faire avoir. Les Mets et Chauds avec le titre Touron, sympa quand même. Ouais, surtout qu'ils ont quand même trippé sur leur fin. L'ingé son, il a quand même trippé. Ouais, parce qu'on aura l'occasion de s'en écouter d'autres parce que vraiment, on en parlait quoi. Leurs morceaux, leurs styles sont. Enfin, leurs morceaux ont chacun leur style. Ouais, c'est assez surprenant, ouais, ouais. Carrément. C'est original. Je kiffe bien. On va rester dans l'original et le surprenant en même temps. Ouais, hein. Tout ah. À fait, ouais. Ben, en fait, ce qui est un petit peu en ce moment dans l'optique électro-jazz et qui est. On va dire électro-jazz parce que c'est dans le style, mais là, avec les voix qu'on va entendre. Vous allez voir que c'est une fusion totale et bon, c'est vraiment un bon métissage encore dans les styles quoi. Et donc ça s'appelle Afrodelix. Exactement, ouais. Walling On. On peut retrouver sur une copile. Ouais, qui est Café Del Mar, exactement. En fait, voilà. On entend souvent sur d'autres radios comme Nova. Yes. Et ben le morceau Rolling On, Afrodelix, yes, c'est tout de suite. Vous êtes sur Couleur Croisée. Round, bust it. Afrodelix, le morceau qui s'appelait Rolling On. Yes, I. Donc bien bon. Ouais, bien cool, bon, ouais. Bien pour enchaîner gentiment sur un bon petit truc. Sur une rencontre, sur une rencontre entre deux groupes, les Hightone et les Improvisators Dub. On en parlait tout à l'heure. Voilà, exactement, le morceau. Donc ils ont sorti un album qui s'appelle Hightvisators. Yes. Voilà, qui est le mix des deux groupes, en fait, tout simplement. Le morceau s'appelle Early Dub. Et on vous avait déjà fait écouter ça la dernière fois, c'est un petit peu Hightone, un espèce de délire assez barré quand même, ça part assez loin. Ouais. Et avec un prévisateur dub, c'est bon quoi. C'est du dub électro. Exactement, yes. Bon mix. C'est parti. Thank you. out. You can't do DJ. No higher. But shut up, make I do IT. Galang, you the pan top. On a même le droit à la petite fin bien route. C'est juste, clair. C'était bien électro-dub, là. On a bien vu justement ce côté bien barré avec les... Ouais, ils sont à fond barrés. C'est du bon, justement. On va pouvoir passer à du bon encore. Ouais, un concert en live. Bah ouais, et puis en plus, bah pour tous ceux qui ont eu la chance de les voir, je pense qu'ils étaient au moins quelques, voilà, les centaines. Ils étaient au Zénith, là, dimanche soir. À ce qui paraît, c'était vraiment de la grosse boulette. Et puis bah bravo à eux parce que franchement ils nous font du bon son. Parce qu'ils font du bon son et surtout sur scène. The Roots, voilà. Donc en live c'est encore mieux. Exactement. Donc pour définir un peu ce groupe là, moi je dirais que c'est un peu le métissage entre du reggae, du jazz, du hip hop. Mais du bon hip hop. Carrément, ouais. Avec les voix et avec l'instru derrière. C'est là où on voit vraiment du bon quoi. The Roots. Yes. The Roots, yes, vous êtes sur Couleur Croisée ensemble jusqu'à 23h. Et là c'est un concert en je sais plus quelle année, 98 ou quoi. Français, welcome to the Roots. Alors on the ouvre roots. Les yeux, on est dans la salle. La salle. Tout d'abord un groupe qui vient de Philadelphie, qui est basé à Londres depuis un certain temps. Ils sont arrivés cet après-midi. Bienvenue, welcome to the Roots, the Roots. Yeah. The Woods. Yes, ladies and gentlemen. C'était vraiment du bon, quoi. C'est justement, vous avez dit, un espèce de métissage jazz et hip-hop. Ouais, ouais, donc l'instru bien jazzy, hein, c'est ouais, clair. Claro, ouais, ils ont vraiment tout compris, quoi. Voilà, et on va s'écouter quelqu'un qui a tout compris, en tout aussi, cas. Carrément, faire un petit message, hommage, même ouais. À la limite, on va dire que, rappelons que c'est bientôt Noël, donc on va lancer un grand message de paix. Donc de nickel. Paix, d'amour et d'eau fraîche, hein, voilà, parce que c'est important. Ouais, quelqu'un qui l'a bien lancé, ce message, c'est quand même Bob Marley. Et, yes. Et ça, he is alive. Donc le morceau, c'est sur l'album Live d'ailleurs. Ouais. Le morceau, c'est Them Belly Full. But We Angry. Yes, c'est yes, pour I vous am. En live. Alors. Say it. Marley en live avec Sébastien aussi en live qui nous faisait un petit coup de Wailers, voilà. Des guitares saturées. C'était la Wailers Sébastien qui vous donnait ça. Un Wailers Company plutôt. Faudra que tu essayes de t'enregistrer un C4 maintenant, franchement. Bah, c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on fait tous les mardis. Voilà, tous les sauf qu'on est en direct quand même. Bah, voilà, mais... Il est 21h39 et des poussières. Il y aura des traces, tes petits-enfants te retrouveront avec ça, mon pote, je te jure. Ah non, aucune trace. Hein. Bon, et si on passait justement à ce que nos parents écoutaient? Non, et ben voilà, si, ils l'écoutaient, mais nous on l'a écouté également, hein, donc il n'y a pas de problème. Non, nos arrière-grands-parents. Super trempe. Super trempe. Et là, on va se prendre une claque justement, on va se prendre une trempe. Là, tu vas te prendre une méga trempe parce que Bloody Well White, c'est du sérieux, c'est du Rhodes, un MK1 ou un MK2, je peux pas te dire, mais qui est du tonnerre. Franchement, c'est entre le jazzy, là, ils avaient aussi tout compris. Jazz rock. Exactement. Donc là, c'est un petit cadeau couleur croisée. Super Trump. Yes, sir. Bloody Well Right. Tout de suite. Yeah, yeah. Bloody right to say. You got a bloody right. à l'ancienne, hein, super sample. Ouais. On vient de prendre la méga claque, c'est clair, ça pète. C'est excellent. Bloody Wellwright. Ils ont tout compris aussi. Ils ont tout compris, ouais, c'est clair. Ça, et on va se passer du français, du bon, quoi, Mister. Un espèce d'écrivain, quoi, en fait, qui est un poète. Un poète, plutôt, ouais, poète, voilà. de la rythme. Voilà, alors on aurait pu parler peut-être de Gainsbourg, on aurait pu parler de Brel, on aurait pu parler de Brassens, je sais pas, non, mais en fait, on parle d'MC Solar. Ah ouais, voilà. C'est un peu plus contemporain, ouais. Bah, c'est un contemporain, surtout, ouais, ouais. En plus, c'est un écrivain français qui vient du Sénégal, donc merci au Sénégal de nous avoir envoyé des écrivains aussi importants. Yes, c'est clair. Et ça, c'est un titre qu'il a fait en 94 pour une compile qui était Stolen Moments, qui était pour un geste pour les enfants du tiers-monde. Et il en parle bien justement sur ce titre qui est un ange en danger. Exactement. Monsieur MC Solar. Alors écoutez bien, et puis joyeux Noël. Bonne fête. Oh oh oh. Paris, 1994. Quand Dieu créa l'homme, tout était beau comme les yeux d'une nonne, un beau matin d'automne. Puis F coca la pomme, donc s'additionne dans l'histoire de l'homme, les recherches de sérum. L'homme est comme un ange en danger, que les eaux du Gange veulent changer. L'argent de ce morceau aura pour utilité d'aider de Tanger à Angers, un ange en danger. D'être courtois, tu te demandes pourquoi. Parce que ma cause est noble. Voilà, c'est grâce à l'héritage jazz que l'homme singe devient l'homme sage. J'ai l'âge de 10 ans quand je demande à ma maman pourquoi tant de mal dans le monde des grands. C'était cool à l'époque avec mon short et mes potes. Désormais quand je suis croque, je pense aux spots sur les capotes. J'espère que cela va changer. Un ange est en danger. Je remercie mon sponsor, à savoir mon esprit et mon corps. L'homme, l'homme que le nomme tout simplement Ron Carter. Quant à la descendance, à contrebasse, c'est un pacemaker. Hip-hop non-stop plus jazz, panaz, live, pas samplé dans un disque d'occasion. Nous avons fait notre part, le ciel peut juger pour tenter de sauver un ange en danger. Un ange en danger. Mr. MC Solar, et on l'aura remarqué avec Mr. Ron Carter à la contrebasse. Ouais, une fin bien jazzy en tout cas. Exactement. Morceau peu connu en tout cas, enfin un peu, peu connu, peu entendu. Ouais. Exactement, parce qu'il l'a fait pour cet album, et justement, je dois préciser que ce disque a toujours pour utilité d'aider de Tanger à Angers, un ange en danger. Donc voilà. Achetez-le, il s'appelle Stolen Moments, avec justement le il même doit être titre. Toujours dans les bacs. Il est toujours dans les bacs, voilà. À la FNAC, et surtout, il est double en fait avec un cadeau qui est The Stolen Moments, le titre justement qui est un titre jazz à la base, voilà. Yes. Pourquoi et ben et du jazz c'est là on où on retrouvera on The dériver, Roots ouais. Et on retrouvera beaucoup d'albums et on va s'écouter encore, voilà, exactement. Que du bien carrément. Allez, jazz, aider jazz, un ange en danger. Du jazz, on va passer à la funk avec monsieur Carlos Santana. Ouais, funk, ouais. Parce que ce morceau s'appelle Chunk Funk. Chunk Funk. Voilà, exactement. Donc tout simplement Carlos Santana. Bah écoute, si on n'est pas dans les années 70, là on est peut-être un peu on plus tard. On est sur couleur croisée en tout cas. Il est 21h50. Voilà, et on vous souhaite donc une bonne fin de soirée. Et un joyeux Noël. Et un joyeux Noël. En avance. Et un bon hiver surtout. Le Père Noël, ça c'est un bon hiver. Chunk Funk. En live. Thank you. dire Monsieur Carlos Santana. Ouais. Moi, je dis aïe. À la bonne époque. Hein. Ah, la bonne époque, mais quel morceau, hein. Chunk of Funk. Mais carrément du bon. Carrément du bon. On va passer un peu, on va passer du bon au un peu. Voilà, c'était bien, c'était un peu barré, mais là, on va, ça va être encore un peu plus barré. Ben, je pense que c'était du gentil par rapport à ce qui va suivre par la suite. Hein, quand même, il faut prévenir nos auditeurs. Hein, quand même, je veux dire, c'est un cadeau de Noël. Le titre parle de lui-même. Ouais, mais justement, il faut l'être pour Noël. Il faut l'être un peu. Mais en fait, il parle pas vraiment de lui-même parce qu'en fait, je trouve que ce titre, cette chanson, pour en parler déjà un peu avant, préparer, c'est, ça exprime beaucoup de choses. Et je pense que c'est un petit peu un espèce de cri, quoi. Mais je pense un cri pour la paix aussi, peut-être quelqu'un qui a envie de sortir de qui se défoule tout simplement, qui se défoule quoi, ouais, qui donne son énergie dans la musique, dans le chant. Il y a un message positif, je pense, hein, il a envie de sortir de ce monde-ci. Allez, écoutons-le. Madness. And I hear my mother's voice. and I hear my mother's voice rustling in the wind, reminding me of the many times he tried to rape her of her blackness. But she was the strength of a panther, the swiftness of a cheetah, and the cunning of a lioness would not be caged up without the lies that kept me from being totally free. And when she came home at night, and when she came home at night, I could smell the musty closeness of his body and see his translucent fingerprints on a tired, weary physical structure, depressed from warding off his beastly attacks. But she would smile, the smile of a thousand black focus in me, not realizing all the while that the anger of a hundred lions would be shining in my soul. And during all this time, and during all this time, my father was somewhere drowning his mutant plastic mind itself in a bottle of cheap wine, and letting that spiritual catalyst, and letting that spiritual catalyst, John Coltrane, John Coltrane, pay celestial homage to that white god who was riding his main lane. This is madness, this is madness, this is madness. And that of us, and that of us, and that of us, how can he be supreme? And that of us, how can he be supreme? And sing songs of black love when your mouth is overrunning with the sperm of trigger, and William Styron is going to commit suicide when he finds out that Nat Turner made love to his great grandmother, and he has taken our most violent and militant leaders and stuck lollipops up their ass to pacify their black wives. And he is beginning to assume that all of us were born under the sign called the war, because all we do is bullshit. There's a madness, there's a madness, there's a madness. Oh, there's a madness, there's a madness. Voilà. Le message à la fin, c'est please stop all this madness. Ok. Alors pour tous ceux qui voudront bien comprendre, toujours sur cette compile qui est Stolen Moments avec ce petit hommage à John Coltrane. Madness. Yes, eh ben ça nous a bien réveillé et on va rester dans le move puisque on va s'enchaîner l'agenda tout simplement. Les quelques petits bons plans qu'on vous a sélectionnés. Avec plaisir. Pour cette semaine. Et carrément. Avec un monsieur bien barré, monsieur Funkadelic. Voilà, normalement c'est toi qui le chante, c'est bien, je te rappelle, mais. Ça dépend des soirs, ouais, c'est ouais, clair. Là, il fait froid. Mais là, c'est, ouais, c'est Noël, on est un peu enroué. Hein. Alors, par quel soir on va commencer? Si on commence par demain soir. Par demain soir, le 22 décembre, voilà. On peut commencer. Avec le premier bon plan, c'est Private Joke. Donc, Private Joke, c'est mélange de jazz, de musique du monde, sur des rythmes un peu groovy. Ouais. Voilà, donc ça se passe au baiser salé. D'aller. Et au baiser salé. Au baiser salé dans le premier arrondissement à partir de 22h entre 11 euros et entre 11 et 16 euros. Oui, très bien. Alors si vous voulez écouter du jazz drum and bass, eh ben vous écoutez Mute, OK, ou alors Mute, OK, c'est assez cool, c'est au Canal Opus en fait dans le 10e. C'est à 20h pour 10 euros, c'est plutôt cool. Et après c'est suivi de The Elements, OK, c'est rock steady, Jamaican old school. C'est bien cool, bien barré, ouais. Et franchement pour 10 euros, tu passes une bonne soirée. Je pense, ouais, c'est clair. C'est ça, ouais. On passe au jeudi 23 décembre avec DJ Goodman pour une soirée dancehall. Voilà, c'est un petit bon plan qu'on vous propose à 5 euros. Et ça se passe au Bistrot des Artistes dans le 5e arrondissement à partir de 21h. On passe le vendredi parce que genre t'as vu vendredi, ouais. Tu vendredi. Vois toi-même comment tu fais ta soirée. Tu fais ta dinde, le 24. Et puis après tu fais ce que tu veux. Bah ouais, voilà. Mais c'est en famille, alors c'est pour ça on va pas te conseiller de sortir. Espèce de mécréant, tu vas pas sortir, il y a tes parents qui t'attendent. Alors maintenant c'est famille. Donc samedi 25, si t'as envie de te faire, vas-y si tu veux. Ok. Ouais. Alors il y a Camel Grove, si tu veux, c'est Afro Pop Reggae, au Baiser Salé, c'est plutôt une bonne salle en plus, c'est à 22h pour tous ceux qui ont pas trop encore bu avec les fêtes, etc. Et ce sera suivi du de Christian Monsieur Christian Vander, yes. Excellent. Avec le Alien Quintet, c'est son quintet en fait, tout simplement. Ça se passe au Sunset dans c'est le premier arrondissement. Ouais, c'est vraiment des aliens. Ouais, à partir de 22h pour 20€. Donc Christian Vander, batteur du groupe Magma, on le rappelle. Voilà. Voilà, donc bah là c'est bon plan quand même, hein, pour un 25 ouais, décembre, si on a envie de se faire plaisir. On se dit bah samedi soir. Bah écoute, c'est bien possible, ouais. Franchement, ouais. C'est clair. C'est clair. Et puis bah dimanche soir, si t'as envie de sortir encore, mais vraiment si t'as envie de sortir, là on est light au niveau des bons plans, parce que t'as vu, là déjà tu vas faire la teuf, t'as le jour de l'an. tu vas à Domingo de la Rumba, c'est percussion live de Cuba, c'est au Babalu, tout le monde connaît les Babalu, et c'est à partir de 21h pour 5 euros. C'est voilà. Et c'est, en plus, voilà. Je crois que c'est tous les dimanches. Et si, et tous les dimanches, c'est plutôt tranquille, tu vois, il y a Banana Club et voilà. Tout, c'est tranquille, les drames. Yes, et on vous rappelle, hein, pour ceux qui font rien le dimanche soir, l'émission est rediffusée de minuit à 2h du mat. Voilà, pour voilà. Ceux qui bossent le lundi, sur le 88.4, forcément. 88.4. Yes. Bah écoute, moi je trouve que c'était plutôt sympathique vu que bon, on va pas tous sortir à Londres quand même. Hein. Ouais, voilà, on a fait un petit agenda voilà, tranquille, light. Court pour ceux qui ont envie de bouger, c'est les vacances, pour ceux qui sont là. Et voilà, vous êtes sur Couleurs Croisées et on va continuer notre rythme musical. Ouais, on va repartir. Voilà. On va partir du côté des États-Unis avec un monsieur qui nous fait du blues, mais vraiment très très roots. Enfin, en tout cas, dans ce qu'il a fait dans ses premiers albums. On va pouvoir peut-être se les enchaîner en plus, peut-être. Ouais, on va s'en écouter deux morceaux vraiment pour voir un peu ce qu'il a fait. Voilà. Le premier morceau, il est issu d'un vieil album en fait, qui s'appelle Green from the Garden. Green from the Garden. Voilà, donc Corey Harris avant, c'était du blues très roots. Ils étaient trois Rasta voilà, avec leur guitare. Et on va écouter ce que ça donne avec une voix féminine qui est là. C'est vraiment très très roots. Voilà, sur le titre Wild West. Ouais, et puis après on en parlera juste après pour le prochain morceau. Ouais. Wild West. Voilà. The longer so, the longer so, the longer so.

Buster Turner, Corey Harris. Voilà, totalement bon. C'est du bon blues. On vous le conseille, hein, donc son dernier album, Mississippi to Mali. Et ça y est. Et là, on va se mettre du français encore une fois. Et un petit message finalement. Ouais. Un petit sourire. En tout cas, on va se mettre le sourire gentiment. Ouais. Encore un bon métissage de musique en tout cas. Ouais, carrément. C'est du reggae. Les Gnawa, en fait, on sait ce que c'est pour les pays nord-africains. Et voilà. Là, c'est un mix entre justement le reggae, la France et puis les petits textes sympathiques à faire passer gentiment. Tout le monde en pensera ce qu'il voudra. Le morceau qu'on va s'écouter s'appelle Grâce à l'herbe. Grâce à l'herbe. Comprenez-le comme vous voulez. Exactement. Et puis eux, ils le disent comme ils veulent. Ils le disent tellement bien. Ils sont artistes, ils disent ce qu'ils veulent. Yes. Gnawa Diffusion, vous êtes sur Couleur Croisée. Yes. Oh bon ! Grâce à l'herbe, mes amis. Grâce à l'herbe. Car c'est. Grâce à l'herbe. Paranoïaque par les milices chiracistes. Je m'en vais pour Kingston, car là-bas, jamais hic. Là-bas, jamais de hic. Là-bas. Un vieux rasta des îles, rendu stoïque par un trop plein de spliff. Ma saison. Si tu commences par les têtes, petit, tu finiras sur la paille. Tu m'as bien compris, petite tête, sur la paille. Tous les matins matin je crache mes glaires. À la gueule de toutes les brigades de l'Ast, tu parles à Judy. Si je n'ai pas été clair, je peux le refaire sur un autre air. Je peux même te faire un dessin si tu le coloris en vert. Oui, grâce à la BR, ma pollution volontaire. Oui, grâce à la BR, en terre urbaine, je peux me plaire. Là où tu t'étouffes, je peux te parler ou me taire. D'ailleurs, ciao, salut et vogue la galère. Va. Gnawa Diffusion. Alors je sais pas pour vous, mais moi ça me met un grand smile quoi. Ah ouais. Morceau très très roots. Ouais, très léger, c'est adorable, j'adore. Excellent. Yes. On va passer à quelque chose d'un peu plus, un peu plus punchy, on va ouais, dire. Punchy hein. Et speedé, carrément, on va se faire du bien, on va se faire plaisir. C'est sur la BO de Romeo Must Die, le film avec Jet Li, assez mouvant. Ouais. Et on va voir justement que. Assez violent aussi. Oh la violence. Ah, petite violence. La violence à la télé, c'est l'Amérique qui attaque l'Irak et qui balance des bombes. Ça, ouais, c'est le cinéma, c'est ça, pas la télé. Ouais, mais justement, tu vois, on va dire. Tu vois, la violence, c'est ça dans la life. Ça, on va dire que c'est de la fiction et c'est des justement, arts martiaux. Justement, ça fait du bien. Voilà, et puis c'est des arts martiaux. Croisés. Et c'est donc Stanley Clark. Voilà, revenons avec un featuring musical quand même. Avec un featuring. Voilà, mais politique, tu m'as énervé ça. Avec l'Amérique là, je suis désolé moi. J'ai pas dit Amérique, t'as vu quoi. Ça y est, on dit violence, on dit Amérique. Bah ouais, voilà, normal. C'est vrai, ça résonne. Ouais, y a pas que. Repassons à la paix et à la douceur, donc c'est Stanley Clark. Hein. Donc on va le présenter comme ça. Voilà. Donc morceau classique. Classique baroque. Hein, baroque. Ouais. Donc Stanley Clark. Stanley Clark. Voilà. Le morceau s'appelle Swang On. Swang On, qui est à part le Philharmonique de Londres. Voilà, donc tout de suite, sur Couleur Croisée, mais avec un feature. De politique, ça. Tout à fait. Écoutez bien la petite flûte qui répond au corps. Magique. Woo! Politics 2010. Politics like that. You're not only with no. Who the hell are you talking to? I will knock the black off you. And I'll smack it before I squeeze the trigger. I'm about to hit you with a smack to the grill and bring you back to the real. You suckers act like you kill. Your whole style chump, trying to front like you dump. What, you just a drunk punker about to get your nose broke. Nobody likes those folks. Watch out for the brothers with them swell flows. You try to get away, we stick to you like Velcro. I'm stepping over all the poses. I spit them cool lyrics and it froze ya. Just for a second made you think. Realize we on the brink, no time to blink. The future's now, products of life and time. Be responsible and use your mind. Because I'm quick on my feet like a kick from Jet Li that you did not expect. Now there's pain in your neck, shake it off. Yo, you gon' live, just be more attentive to the gifts we give. Y'all could get swung on, bringing problems to me. I ain't f***ing with y'all, so don't be f***ing with me. You could get swung on if you ain't acting right. Did you ever think you would get smacked tonight? My kung fu's Wing Chun, I'm about to swing one. And you rock, you knock, you when I sock, you block, you stop, you chop, you trip and drop. You I swung with cold, but now it's time for hip hop. I know about hip hop like Jet Li. A fight scene at a club ain't enough love. Dope beats get hugged, vocals precise and snug. All crumbs, y'all swept under the rug. Body's drug, sucker one, show none. Styles and tactics are not F-wittable. Don't intip. You wanna limp? Futuristic flow, quite terrific, like the glow in the baby's eyes. We beat them guys. swung on, bringing problems to me. I ain't fucking with y'all, so don't be fucking with me. I figure they treat a nigga like a punching bag. If he disrespects my space and gets up in my face, yo, back up, repeat it, back up. Do I gotta hit you and get into an altercation with the niggas with you? I catch that little faker with a haymaker. I scream boom, boom, like we in Jamaica. Yo, we all got fists, but y'all got this. Whatever, whatever, it's all politics. Universal J Thorn, politics been born. Know that, get swung on. Swung on. Smack the black. Get swung on. Couleur croisée vous a présenté le morceau classique Stanley voilà. Clark. C'était magnifique le baroque. Hein voilà, et on va repartir dans la valse et le tango avec voilà. Massive Raga Jungle. Tu dis valse, je dirais plutôt cha-cha-cha. Cha-cha-cha, en fait. Cha-cha même. Exactement. Limite cha-cha-cha avec le morceau qui s'appelle Tout Doux, hein, Fire. Voilà, exactement. Fire. Radio Bleu. Radio Bienvenue. Bleu présente Couleur croisée voilà. avec Massive Raga Jungle. Hein, Nadia vous Ça avez, te va un morceau cha-cha-cha Ok. Yes. Our deal. Listen to the words of the first tongue. More time out, we ain't young come for the place. Don't go my lyrical tongue. All the girls them, watch this. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire Ça fait du bien un morceau de cha-cha-cha comme ça. Ouais, carrément, c'est comme pour Noël en fait, tu vois, tant que t'as pas ouvert le papier cadeau, c'est parce que t'as quoi. Exactement. Et là, on va rester un peu dans le même tempo cadeau, en tout cas. Ouais, dans le cadeau. Ouais. Cadeau, dans le même tempo, un peu plus rêveur, on va dire, le morceau. Ouais, mais en tout cas, que du bon, hein, comme on vous a passé là les deux derniers morceaux quand même, sérieusement, excellent. Excellent. Et là, on va partir, plus sérieusement, là, on va partir sur le jazz. Parce qu'on était pas sérieux là, excuse-moi. Ouais. Je me remets sérieux. Je veux dire, rien ne va plus quoi, couleur croisée, qu'est-ce qui se passe quoi. Carrément. Bon, parce que du bon son en fait là ce soir, on vous souhaite un bon Noël. Yes. On espère que vous passez une bonne soirée. Ah bah, moi oui et vous. En tout cas, ouais, ça se passe bien. Donc là, on va repartir avec le Sayak Jazz Machine. Le morceau s'appelle Ali Goes On. Il nous reste une petite demi-heure d'émission. Bah ouais, on va se donner. C'est comme ça, donc on va s'écouter de la musique. Mais de la bonne musique. Yes. Sayak Jazz Machine. Listen, you look like a music lover to me. Why don't you why don't you let me play you a little thing I wrote last week? Yes. Yes, complètement rempli de mix. Le Sayag, ouais, Jazz Machine. Complètement bon. Et je te jure, ça va bien enchaîner avec la suite, en fait. Hein. Et ouais. On voyait bien que c'était un mix entre jazz et les scratch. Et, là, et l'électro, ouais. Ouais, carrément. Et ce qu'on va écouter après, c'est Courtney Pine, en fait, qui est un saxophoniste, on va dire, plutôt dans le jazz, en général, et plutôt free, parce qu'il a exploré, justement, avec l'électro et les scratch, en fait. Ouais, et le morceau est complètement free, parce qu'on va monter jusqu'à la 37e chambre. Exactement. Et franchement, là, vous allez vous prendre une bonne montée. Je pense que vous êtes sur couleur croisée. Il nous reste, allez, 20 minutes d'émission. Allez, alors que du bon. Courtney Pine. Thank you. All right. Courtney Pine, que vous pouvez retrouver sur son album Modern Day Jazz Stories. Yes, I. Excellent. Ouais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et on va passer sur ouais, un groupe excellent aussi. Exactement, n'est-ce pas? J'allais dire, n'est-ce pas? C'est bon ça, là. Il y a que du bon son. Et là, il nous reste qu'un quart d'heure. Mais franchement, auditeur, reviens la semaine prochaine. Tu verras, ce sera encore plus de la boulette. Yes. Ouais. Et parce que le groupe qu'on va s'écouter, c'est, ils font du reggae avec une touche de jazzy, vraiment. Ils font vraiment de tout, quoi. T'as un pianiste, tout, ouais. C'est un espèce de classique. Le bassiste, c'est un espèce de Jaco Pastorius avec du slap de ouf, non, franchement énorme, quoi. Groundation, donc qui sont en tournée. Donc, ils étaient en tournée il y a un mois dans la région parisienne. Ils sont en tournée en France. Voilà, ils bougent un peu. Le morceau qu'on va s'écouter, c'est Nyabingi Harder. Morceau. Nyabingi, yes. Yes. Morceau un peu mythique. Alors, forcément. Si on se mettait du roots. Yes. Groundation. C'est parti. Enracine-toi, man. Naya Bingi Order, Groundation. Yes, I. C'est le moment de se quitter. Pendant qu'on se quitte avec ouais. un extrait de Trilogue Gurtour. Trilogue Gurtour. On a failli vous le passer à la fin, mais on vous le passe pour se quitter. Et puis, vous souhaitez de bonnes fêtes. Une très bonne fête, une bonne fin de semaine. Soyez sage, mais continuez bien comme ça. Ouais, sage, et puis soyez un peu fou quand même. Hein. Ouais, soyez ouais, mais la sagesse, tu sais, c'est parce que là, on... Sagesse vraiment... d'esprit, mais fou du corps. Voilà, si tu voudras, l'écoutez pas. Donc, Eric Truffaz, on va se quitter en musique hein, quand yes, même. Yes, avec un morceau qui s'appelle Montis. Voilà, sur l'album du même nom. Ouais. Alors, morceau excellent. Une bonne fin de soirée, puis on se retrouvera la semaine prochaine, 21h, 23h, et puis surtout l'année prochaine. Et surtout l'année prochaine, ouais. On vous quittera pas, et si vous avez apprécié tout ce début d'année, revenez la semaine prochaine. Voilà, couleur croisée, c'est terminé, il est bientôt, il est 23h. Bientôt, enfin, c'est le moment de se quitter en musique. Voilà. Eric Truffaz, Mantis. Soyons bonne fête, bonne fin de soirée, ciao ciao, plein de bonheur pour vous. À bientôt.